elle s'appelle Fanny. Elle s'appelle Fanny. Moi c'est Fanny, née en fin d'année 80, où il fait beau dans une région qui sent bon les pains. Entourée d'amis, de gens bien comme de locos, toujours deux frères pour intervenir en cas de pépin. Je suis en panique, j'ai du taf demain, mais bon rien de préparé, donc dors pas de la nuit. Même si je suis plus efficace en un projet, j'aime pas qu'on résume mon boulot à 5, 6, 7, 8 là. Petite, Fanny t'a grandi, découvert la street, réveillé sa sensibilité d'artiste, fasciné par le sport et ses tactiques. Meuf de terrain se sent bien que sur le practice, mais Fanny était encore la fille de son père. Les vies de tous ceux qu'on a perdu sont chères. Je sais que t'aimes pas le tel, mais papa, si t'en avais un, ce serait plus pratique. Peste depuis la maternelle, je suis guéri, mais t'étonnes pas s'il y a des restes. Au lycée, j'étais plus costaud. Maintenant, je sais que mon instinct n'est pas le dernier à réagir quand il est testé. Portugal dans le sang, du Sénégal dans le cœur, d'Italie dans le nom, de la France dans les faves, du Maroc dans les taffes. C'était Fanny, aka citoyenne du monde. Elle s'appelle Polly. Elle s'appelle Polly. Moi c'est Polly, fais pas ta blague, elle est débile. J'apparais vers le début des années 2000. Ce jour-là, Fanny se fait clasher, imbécile. De croire que les paillettes seraient discrètes sur Cécile. De tous les blazes, pourquoi j'ai choisi lui? Pour la même raison qu'au foot, le maillot de Fanny c'est lui. Ça te tombe dessus, puis ça coule de source. Comme quand l'écriture te permet de combler le vide. Je suis la facette, peace, love, unity, fun. Street, block, graffiti, sum. Triste, drôle, bref, hip hop est mieux quand elle est seule. Je suis la facette qui rend la gamberge plus productive, surtout quand elle est stone. Celle qui aime la scène, la moins timide et la plus volubile, celle que personne ne stoppe. Je suis la face créative, je peux buter un cerveau autant que le rendre actif. Je suis la part de magie que Fanny peut pas quitter, car sans Potter que serait Daniel Radcliffe. Je suis la plus douée des deux, la plus vénéneuse, la plus habituée des haineux. Et si t'aimes, dis-toi que c'est que le name. Sur scène, venez me voir, il se peut que je vous émeuve.